Vous écoutez la Radio Libre à Montréal, CIBL 101,5. Dans quelques secondes, vous entendrez la troisième partie de la lecture du livre « Entre la lettre et l'esprit », écrit par M. Raoul Duguay, édité aux éditions Trois Pistoles. Voici Raoul Duguay. Entre la lettre et l'esprit, toujours choisir les deux. L'esprit. Citation tirée de la bulle d'encre de Suzanne Jacob. Un seul livre peut être le seul lien qui maintient un peuple dans l'histoire. L'écrivain qui écrit l'histoire de l'écrivain finit par être jeté hors de son livre. Fin de la citation. J'écris pour donner une forme à mon néant. Et j'écris pour percer le fond de mon abîme, pour mettre le langage à poil et l'endoscopie, pour décrypter le code symphonique des mots et vêtir ma substance d'images transparentes. J'écris pour m'écouter, pour me regarder penser et pour semer l'agent double qui me poursuit, pour ne plus être l'étranger en ma demeure, pour exorciser les anges noirs de ma solitude et apprivoiser la bête qui rugit dans ma tête. J'écris pour domestiquer le mystère des mots, sonder mon essence, signifier mon existence. J'écris pour me suivre à la trace, me dépister, pour semer des petits cailloux de mémoire. J'écris pour calmer mes courants de colère, pour me faire plaisir en buvant à mes eaux, pour reverdir dans ma tête, dans mon cœur, pour faire vibrer la voix de ma vie intérieure, pour m'affranchir du quotidien mort et plat, pour apprendre à poser la bonne question. J'écris pour volatiliser mon vertige de vivre, pour jouir de ma conscience d'être en vie, pour séduire petit à petit ma sœur, la mort. J'écris pour entrouvrir la porte de l'éternité. Au pouvoir des mots, imagination et mémoire, comme je n'ai jamais en mémoire que le futur, je n'ai jamais eu autre nostalgie que l'avenir. Chaque fois que je prépare un nouveau livre, j'ai mémoire vive d'avoir écrit des précédents dans des vies antérieures où je rêvais à l'ici. Prévoir ma vie de l'intérieur m'est nécessité. J'imagine maintenant mon verbe de demain. Ainsi, à l'époque de l'épopée du roi Gilgamesh, j'étais l'un des tout premiers scribes assyriens, avide rat de la bibliothèque d'Assurbanipal. Sur de fragiles tablettes d'argile, je gravais à l'aide de roseaux que j'aiguisais souvent 300 caractères cunéiformes par jour. Une tablette exigeait 3 heures de travail. J'en écrivais 3 par jour pour 30 sous. Aujourd'hui aussi, j'écris 3 pages par jour, pratiquement au même salaire qu'un scribe. Heureusement, dans une autre vie antérieure, j'étais guide à la bibliothèque d'Alexandrie et, bon pour boire un dent, je lisais aux érudits le mode d'emploi de la pierre de Rosette, la dernière lettre de Thoth, dieu de l'écriture, et l'art de ressusciter grâce au scarabée. L'âge de l'écriture est coulé dans le bronze. Combien de statues élevées à des écrivains dont les visions illuminent encore l'histoire? Combien d'écrivains coulés dans le statu quo? L'âge de la parole est coulé dans le cri pur. L'âge du cri est toujours en aval de l'enfer. L'âge du chant toujours en amont du paradis. J'écris pour faire écho au livre des anciens, sur les murs des grottes rupestres de Lascaux. Grelottant du désir de durer à travers temps, l'homme d'il y a 20 000 ans imaginait comment dessiner son destin dans le roc. Écrire, écrire, c'est surgir de la préhistoire et rugir. J'écris parce que j'aime la langue française. Il y a 100 000 ans, sur cette jeune planète, il y avait autant de langues que d'humains. Aujourd'hui, 5 milliards d'êtres humains parlent avec peine une centaine de langues. Le milliard qu'il reste en parle 5 000. J'écris pour ceux-là qui ne me liront jamais. Chaque écrivain se forge sa propre langue. Pour écrire vraiment en sa propre langue, il faut la relire et la parler le jour et la nuit. Le livre garde le passé présent dans l'avenir. Entre l'alpha et l'oméga, l'histoire du monde. Le premier son que j'ai arraché de ma gorge dans un cri d'enfer à pourfendre ciel et terre était la voyelle la plus ouverte de l'univers. Si l'alpha est cri de chair, écho de la matière, l'oméga est cri du cœur et chant de l'esprit. La vie commence par un A et finit par un O. J'écris parce que j'aime la forme des lettres. Sur l'ardoise que m'avait donnée ma mère, la première lettre que j'ai écrite à la craie était celle du mot « amour ». Mot le plus aimé et le plus magané, le plus mortel des mots. Mes livres sont de longues lettres d'amour, à moi-même, à mes amours et à tout le monde. Pourquoi écrire sinon pour parler d'amour, pour rendre grâce de la beauté du monde? Mais polluée de chiffres, la beauté se meurt, fonçant dans les barricades gazées de la loi, écorchée par les barbelés du pouvoir illégal, les mots amour, justice, liberté, vie saignent. Les livres sont de rouges champs de bataille. Et si la révolte est l'alpha qui vient du cœur, la révolution est l'oméga venant de l'esprit. J'écris pour dire ma pensée en toute liberté. Un livre est un arbre mort et qui ressuscite. J'écris, je regarde pousser fleurs et enfants. J'écris en poussant le cri des arbres abattus, arrachés de la terre et déracinés, ébranchés, coupés par des tronçonneuses mécaniques, sciés en piquettes 4 pieds, replantés pour faire des enclos à troupeaux de biftecs, coupant le souffle aux poumons de la terre. Un écrivain sans flair dans une forêt de mots doit mener une vie de chien ou d'ordinateur. J'écris pour donner de l'oxygène à mon cri, pour que les arbres réduits en pâte à papier ne servent plus à faire la une de la presse, annonçant eux-mêmes leur malpropre mort, avec leurs chants d'oiseaux coupés à blanc. Pour chaque recueil de poèmes que j'écris, je plante un arbre à Saint-Armand-les-Vents. Dans ma tête, je plante une forêt qui respire, et pour chaque page de poésie que je crée, je plante 1000 fleurs au fond de mon cœur. J'écris parce que toute injustice m'écœure. J'écris pour que mes racines gréco-latines s'enfoncent dans la terre et fassent pousser l'arbre généalogique des mots jusqu'au ciel. La mémoire du monde naît avec l'écriture. La mienne aussi. Elle crie sa survie au futur. Écrire, c'est crier, chanter, et dire le monde. J'ai mal à l'humanité qui ne sait pas écrire. Pourquoi écrire si l'on ne peut pas être lu? Au Québec, une personne sur quatre ne lit pas. Et je rêve d'élever l'écriture jusqu'au chant, mais la plupart de mes écrits sont des cris. La mémoire des analphabètes, c'est leur cri. Et leur frêle avenir y est toujours suspendu. Un terrien sur deux ne peut ni lire, ni écrire. Le mot « démocratie » deviendra une réalité quand tout le monde pourra le lire, puis l'écrire. Et quand à la place des fusils et des canons, on donnera à tous les humains des crayons. La langue étant l'écho des cultures vivantes, nul ne peut parler de l'écriture sans parler de la langue qu'il partage avec son peuple et que le son de sa voix maternelle identifie. Passer du pictogramme au pixel, l'écriture fait partie du marché mondial de la liberté. Si la connectivité s'écrit en profit, chiffré, le sommet des peuples se grimpe en un cri. Et le socle de la démocratie, c'est l'alphabet. L'écriture naît avec l'élite, mais à son profit. L'élite intellectuelle, vivant bien de ses livres, peut se compter sur les doigts de la main. L'écriture naît avec l'élite, mais à son profit. L'élite intellectuelle, vivant bien de ses livres, peut se compter sur les doigts de la main. Les profits que rapportent mes best-sellers payent à peine encre et papier pour les écrire. Pourquoi écrire et surtout de la poésie libre quand on ne peut l'échanger contre du pain? Au Québec, il y a plus de poètes que de lecteurs. Dans le monde du profit à très court terme, il y a bien 1000 comptables pour un compteur. Les premiers écrivains étaient des comptables. Ils comptaient les têtes de bétail des riches, les sacs de grains dus aux prêtres du temple et les subtils sumériens d'il y a 6000 ans. Ayant inventé la monnaie et le prêt à intérêt, sont devenus les cyber-junkies de la finance. Les scribes d'antan gravaient dans la pierre ou écrivaient au roseau sur tablettes d'argile les chiffres innombrables du profit des rois. Et aujourd'hui, les fiscalistes comptabilisent les récoltes des pays réduits au vil esclavage qu'ils appauvrissent en achetant leurs dettes. Et sur les écrans cathodiques de leurs ordi, ils photoshopent la souffrance des faibles. L'économie du langage. Et on me demande ce que je fais dans la vie. Et je réponds que ma vie est faite de poésie. Autrement dit, me lâche-t-on, tu ne fais rien? Pourquoi écrire si on peut faire autre chose? Autre chose étant ici quelque chose d'utile à la croissance démentielle de l'économie. Le poète ne gagne pas sa vie ni ne la perd. S'il perd son temps pour toucher l'éternité, c'est toujours ça de gagner pour l'humanité. Qui, elle, le perd à ne gagner de l'argent. Même si l'Eldorado n'est pas dans les mots, en réalité, la poésie est, de tous les langages, le système économique le plus performant. Elle économise les mots au plus haut point. Une page de poésie peut contenir un roman. Mais vivre de ses écrits, c'est tout un poème. Ouais, faut être fou pour écrire de la poésie. Si les gens de raison s'occupent de la réalité, les poètes s'occupent du reste, autrement dit, de l'infini, de l'éternel, de la liberté sur parole. Enfant qui n'en finit plus de ne pas grandir, le poète siège très rarement avec les grands. Trop de grands rapetissent la vie des petits. Écrire, c'est pouvoir s'exiler en toute liberté. Je est un autre, c'est vrai, mais l'autre est je. Je me souviens de la béatitude primordiale, dans ma totale solitude, dans ma totalité. Je sentais tantôt la plénitude, tantôt le vide. Un instant imbu de ma propre substance, un instant ma vie vidée de son essence, et je pressentais ce plein entre moi et l'autre, l'autre étant tout ce que contient le monde. Puis je ressentais le vide entre moi et moi, entre moi et l'autre, l'autre n'étant que moi, mais mal divisé d'avec moi-même et seul devant cette perception simultanée de la plénitude et du néant de mon être. Je tentais vainement d'écrire mon prénom. Être totalement, c'est être infiniment seul. Se laisser incendier par le soleil de l'esprit, s'assoupir et faire du silence sa respiration, vider sa cervelle de son contenu rationnel et sans souvenance n'ayant point d'avenir, mourir au monde pour enfin naître à soi. Comme le grain meurt et devient une fleur. Ainsi l'idée peut devenir une émotion pure. Certes, la logique peut momifier l'émotion. Le silence est l'enfer, le purgatoire et le ciel. Traversé par le silence sec ainsi qu'un soldat par une balle perdue ciblée en plein cœur, la source de son génie créateur étant tarie, l'écrivain frappe son Waterloo puis se tait. Et même la mort est plus heureuse que lui. Dire, crier, écrire, on n'a plus rien à dire. Est-ce s'asseoir nu sur la voie de la sagesse? Car lorsque mes mots se mettent à radoter, subir cet enfer du silence m'est nécessaire. Emmuré dans le silence absolu de ce vide, mes mots fermentent et font de la fumée. Et c'est au moment où tout est brouillard que les mots se frottent, font une étincelle. Une seule étincelle peut allumer un univers. Quand le silence se met à vibrer, mur à mur, c'est qu'il est mûr. Que le verbe peut venir. Mais le temps qu'il faut au petit bourgeon pour éclore en fleurs est le temps qu'il fait. La sève doit monter de la racine à la cime avant que l'arbre ne donne son fruit mûr. Et l'esprit doit voyager d'un mot à l'autre avant d'effectuer sa montée à ciel ouvert. Car au-dessus des nuages, l'azur s'illumine. Le silence est une belle bombe à retardement. Atomes d'intelligence tapis en leur potentiel. Les vocables attendent le compte à rebours. Pour faire éclater l'inouï, lui donner un sens aussi à l'absurdité de vivre un instant et de mourir le reste de nos petites éternités. À insuffler une après-vie aux mots tendis, mots de chaude tendresse, mots de détresse, se réincarnant musique sur des lèvres neuves et soulevant peut-être le souffle d'un peuple. Écrire, c'est fabriquer des bombes à oxygène pour faire respirer les mots qu'on a pollués. Pourtant, j'écris. Je prends mon cri à la gorge. Le soulève de 6 pieds au-dessus de la terre pour mieux le rentrer 6 vers sur le papier. Pour ne plus l'entendre japper dans ma tête, je l'égorge et lui arrache son dernier souffle, l'ensevelit avec les cris de toutes les guerres, dans ce trou de mémoire noire qu'est la mort. Mais combien de mots faut-il pour remonter l'abrupte pente entre la vallée des aveugles et l'éblouissante cime des visionnaires, quoi? J'écris pour en finir avec la fin des temps. On n'en finit jamais de commencer l'éternité. Le silence est la source, la poésie et la mer. Cherchant les raisons pour lesquelles j'écris, je me frappe le cœur et cogne mon cortex. Puis, je m'avance vers mes eaux intérieures. Je plonge dans la rivière de ma poésie d'hier. Je rame éperdument pour la remonter. Je suis un saumon tout frétillant d'aller frayer dans les eaux transparentes de sa naissance. Brusquement, tombe le haut rideau des chutes. La poésie serait-elle une rivière sans retour, dont la source la plus vive est scellée à jamais en amont de chacune de ces gouttes d'eau? Et chercher à vider le contenu de la poésie dans le trop mince entonnoir de la raison n'est-il pas une entreprise aussi candide et aussi utopique que celle du petit enfant qui, ayant creusé un trop petit trou sur la grève, tente d'y vider toute la mer avec sa cuillère? L'imagination d'un enfant a toujours raison. À vouloir savoir pourquoi j'écris, malgré tout, je ne trouve que l'ombre de mes empreintes. J'écris pour savoir sentir laquelle des rives, droite ou gauche, est la plus près de la rivière. J'écris pour être en amont de ce qui m'avale. Écrire, c'est osciller entre l'être et le néant. Le sort de l'écrivain est-il donc cette aventure où l'écriture et la vie jamais ne se marient, où l'essence et l'existence restent divorcées? Cette quête de l'absolu, ce requiem à la mort, en complainte agonique au chant du cygne, paranoïa d'un jour dans la salle insolence ou mégalomanie d'un autre jour sans gloire, serait-ce là le lot à gagner à la loto des mots? Assez pour se suicider, une lettre à la bouche. Assez pour embaucher les trompettes folles, se démoculariser en chacun de ses mots, pulvériser les espérances de son petit moi, perdre son identité, à vouloir démocratiser le champ subtil des choses au fin fond de soi. On a écrit qu'on ne commence à se bien voir qu'avec les yeux vifs de ceux qui nous lisent et qui, cherchant nos erreurs, nous châtient. Que l'on écrive dans la langue sale du peuple, le langage brut, banal, du quotidien ordinaire ou dans celle très éclectique des spécialistes, la règle primordiale, quelle que soit l'écriture, est la transmutation du fond dans la forme et la transsubstantiation de la forme en fond. Si la graine meurt, nulle terre ne l'élève. Être mortel est le seul problème du poète. S'il a écrit un seul vers qui soit immortel, sa brève existence aura été bénie à jamais. Sinon, eût-il écrit haute montagne de mots, ils auront vite dévalé vers l'abîme de l'oubli. Tenant lieu de trame à un tissu de vanité, ou de livre de chevet à une amie très chère, ou de papier perdu pour allumer un foyer. Et de trois choses l'une, ou bien mes écrits seront cités et étudiés dans les livres d'école, ou bien reconnus dans le monde littéraire, ou bien réduit à la bêta-tibi, mon seul hit. Dans tous les cas, avoir écrit « Mes victoires ». Mon plus beau tombeau, c'est votre cerveau. Heureusement, je vais mourir dans les mots. Quel pollen essaimera mes poèmes au vent? et ce n'est surtout pas une histoire de santé. C'est avant tout une réponse à ma destinée. Je vais mourir et le plus tard sera le mieux. Peu importe l'année, le mois ou bien le jour. L'universalité de la mort la rend séduisante. Et moi qui ai toujours été original en tout, je ne le serai plus jamais en rien du tout. Écrire, c'est voir sur parole et voir à travers. L'écrivain doit traverser de sombres miroirs avant de percer les apparences de son être pour ressourcer l'essence de son existence, se regarder dans la glace vive de ses paroles. Mais fracasser en mille morceaux le miroir ne donne jamais la mémoire vive du réel. Écrire, c'est croire qu'on peut se retrouver, recoller les miettes éperdues de soi-même, les éclats miroitants de son image d'antan, les morceaux du puzzle éparpillés partout jusqu'aux confins de ses rêves inassouvis et à proximité des banalités du quotidien, passer au travers du miroir des langages pour aller lire en arrière dans le carbone, nuit qui reflète les mille images du monde, écho, radar, sonore de l'inconscient collectif. Qu'il faut y voir. Pour finir, par y écrire. Les textes qui édictent les droits et libertés, en mots croisés de hasard et de nécessité. J'écris. Je vise la tête à partir de mon cœur. Je flambe ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Sinon, je gèle hier, aujourd'hui et demain. Je réinvente l'humanité à partir de son son. Pourquoi écrire quand on ne peut le faire? Tous les langages de l'humanité d'aujourd'hui tiennent 200 fois plus de l'oralité que de l'écriture manuscrite ou pixelée. Et l'Afrique, qui n'écrit pas, crie au secours. Entre le mot dit et le mot écrit, un canyon, pareil à celui qui sépare pauvres et riches de la langue des peuples sous-développés. Il ne reste plus que 1000 miettes séchées. Mais celle des pays du G8 est prospère. Elle ne s'écrit qu'en gras signes de piastres et l'humanité des actionnaires cybernautes, purs clones des prédateurs de l'âge de pierre, échangent déjà des fusils contre des logiciels, des Macs et des PC contre des terres arables, des crédits agricoles contre des polluants. Comme l'humanité des avides explorateurs avait troqué ses miroirs contre des fourrures. Dans les deux cas, colonisation et aliénation, évangélisation et marchandage à outrance, par les secs pontifs des démocraties factices, où l'on trahit même la langue de sa mère pour cultiver les choux gras du commerce, dollariser la nature, hypothéquer la culture. Écoutez la Radio Libre à Montréal, CIBL 101,5. Dans quelques secondes, vous entendrez la quatrième et dernière partie de la lecture du livre « Entre la lettre et l'esprit », écrit par M. Raoul Duguay, édité aux éditions Trois Pistoles. Voici Raoul Duguay. L'écriture est la plus pauvre des économies. Écrire est aussi le plus riche des bénévolats. Pourquoi écrire quand on paye pour le faire? J'écris pour gagner ma vie, mais sans la perdre. au profit de ceux qui se perdent en chiffres. Pourquoi se perdre en parole et sans profit? Pourquoi perdre son âme dans l'ignominie? Pour dire que l'on parle à la terre tout entière, il faut payer très cher le prix de chaque mot. Surtout si l'on veut en acheter quelques-uns, pour en posséder droits exclusifs et dérivés. Ne pas être propriétaire du nom d'un site web peut aller jusqu'à perdre le droit fondamental d'écrire son propre nom sur sa carte de visite. Et qui perd son nom a perdu toute sa dignité. Tout être humain devrait pouvoir lire et écrire son nom, lire, écrire celui des siens. D'abord et surtout dans sa langue maternelle. L'alphabétisation de la planète tout entière est le premier combat de toute démocratie. Pour que la victoire en résulte, il faut parler la langue du plus petit et celle du plus grand. La langue du plus faible et celle du plus fort. La soupe à l'alphabet est l'entrée universelle. Plus il y a de monde, moins il y a de langues. Car depuis 400 ans, nos Amériques ont perdu 800 langues autochtones. Tous les 15 jours, une langue se meurt. Et il est écrit que dans moins de 100 ans, la moitié des 6000 langues et dialectes que parlent les êtres humains auront disparu. Et pourtant, la diversité des langues parlées est la richesse des cultures de l'humanité. Le français est ma langue et pour l'éternité. Une centaine de langues s'écrivent encore. Demain, on n'en parlera plus qu'une dizaine. Avant que ne s'achève ce millénaire si avide, le monde ne parlera plus que 3 langues. Déjà, 3 langues uniques n'en font qu'une, l'argent, la langue anglaise et le code binaire. Cette trinité n'est un mystère pour personne. L'argent mène le monde et les conquérants possèdent l'argent et la langue des conquis. De même que la clé de la langue universelle, la langue numérique du génial code binaire. Clé qui ouvre la porte de la nouvelle Babel. Le français est ma langue, c'est ma conquête. Dans une autre vie, je les apprendrai toutes. La nouvelle Pentecôte est-elle la belle Babel? Les racines de notre langue française chérie ont trempé dans la chaude Méditerranée, entre Rome, dont les chiffres sont des lettres, quantifiant siècles et chapitres de livres, et Athènes, où Prométhée inventa l'alphabet, source, patrimoine et premier transporteur de l'expression de la culture occidentale. Les racines du nouvel alphabet planétaire sont les chiffres 0 et 1, écrits en arabe. À l'heure où les 2/3 de l'humanité ne jouit pas des gros profits de l'économie, à l'instant où la moitié des êtres humains n'ont pas le téléphone, ne savent pas écrire, faut-il apprendre cette langue universelle au pied de la lettre et cybercultiver la terre? Le paradis tiendrait-il enfin dans une puce, pas plus grande qu'un simple timbre-poste? Est-ce la lettre qui a perdu l'esprit ou bien la langue à numéros qui nous le fait perdre? La démocratie du savoir a sa cote en bourse. L'ordinateur est le sauveur de notre planète et le cœur des robots artificiels bat en bits. Dans leur bouche, les mots sont électriques. Pourquoi écrire quand il n'y a plus de papier? dans cette belle Babylone habillée d'argent. Le prix de l'or jaune est encore à la baisse, et le nouvel Eldorado est le dernier logiciel. Devenu de l'or rouge, le sang des hommes s'échange sur le marché contre de l'or noir. L'or noir pollue la transparence de l'or bleu, et la soif du monde est amarrée aussi haute que le marchandage des glaciers fondants. La pollution de l'or bleu contamine l'or brun. L'or brun des terres arables infecte l'or vert, et les poumons de la planète sont perforés. SOS, l'air se gazéifie. SOS, l'eau potable se raréfie. Et le papier coûte toujours la peau des fesses. Les maîtres du monde ont dans leur stratégie tous les éléments pour tuer leur propre mère. Apatride, apathique, monoglotte à numéro, ivres de mondialisation, leur transnationale place leur centre partout et leur périphérie est à trois puces du grand nombril de Dieu. Le savoir-vivre de cette civilisation explosive stroboscope sa promotion en lettres de néon. Usine à stress, à burn-out et à vouloir mourir, le monde se laisse dévorer par son ombre. Pouvoir écrire son nom est la première liberté. Dans cette belle Babel où les nombres entiers ont déjà remplacé une moitié des alphabets, le pouvoir universel de la langue numérique, orgueilleux et ogre projet des organisations dont les villes tendances totalitaires croissent, hypothèque déjà l'évolution de l'humanité. Mais le sauvage darwinisme social qu'il prône respecte-t-il cette riche variété de nos cultures? Des hégémonies en liberté et des pays esclaves peuvent-ils partager les mêmes espérances? Et moi, qui ai le privilège d'être alphabétisé, j'écris pour babéliser l'alphabet numérique. Au moment même où je graffine ces lignes, plusieurs souverains ou régents de ce monde ne savent pas écrire leur nom et prénom, ni celui de leur humble royaume de misère, parce qu'ils ne connaissent encore ni A ni B. Le bien-être international achète leurs dettes. Même des rois signent des chèques en blanc. Au pillard de leur nature et de leur culture, la dignité est en vente dans les doloramas. La liberté n'est plus qu'une laisse en argent. Et l'on demande au poète pourquoi il écrit. Une saine démocratie met l'écriture au sommet. Le sommet des Amériques fut aussi transparent que les clôtures de broche qui le protégeaient, que le rideau de fumée qui sortait de ses têtes, que les paroles dites, écrites de ses intentions. La démocratie ne tenait plus qu'à une clôture et la porte de la clôture portée à bout de bras par 34 peuples assiégés par la peur était la seule clé du sommet d'une vraie liberté. Quand serons-nous le 35e peuple à prononcer son nom à la table des nations? Dans les vapeurs fumigènes, gênant le souffle, la foule venue bêler son refus d'aller paître dans les prairies numérotées du libre-échange, ne portait ni masque à gaz, ni gilet pare-balles, et en quatre langues parlées du nord au sud, mais plus et mieux écrites au nord qu'au sud, les chefs d'État ont lu, écrit et signé un pacte commercialisant la liberté des peuples, puis entonné leur hymne totalitaire à l'humanité, consacrant la démocratie comme bien public, s'en faisant un bouclier et un écran de fumée. Le sommet des peuples est le socle sur lequel ne repose plus en paix la statue de la liberté. Mon scriptorium est un sarcophage fenestré. Ce livre s'avère de plus en plus raoulophage. Comme un moine courbé sur mon écritoire, à force d'écrire, je n'en finis plus de fléchir. Chaque nouveau vers que j'écris me triture, et mon encrier se vide, et la tempête citait, et demain, il me faudra casser mon encrier, réduire les morceaux de vers en poussière, y cracher un peu du sang de mes sanglots pour écrire mes tout derniers mots en rouge, et le point final en infrarouge transparent. Car j'écris pour virer mes misères à l'envers. Tour à tour, une tourmente et un tourbillon, un esclavage, une délivrance, une jouissance. Écrire un livre est d'abord un travail sur soi. Écrire mortifie le corps, mais vivifie l'esprit. Bien qu'elle soit la glorification des lettres, la poésie, l'iconoclaste ou la conventionnelle, ne passe pas encore comme lettre à la poste. Et si elle ne réinvente pas vraiment votre vie, fuyez les visions des poètes, tuez vos rêves. Même si elle ouvre une fenêtre sur l'ailleurs, toute vision est l'envers du visible d'ici-bas. Je n'écris pas mon journal, j'ajourne l'éternité. Entre le papier et le pica, je choisis les deux. C'est entre les rives du rêve et de la réalité, là où le silence joue de l'infini, de l'éternité, que les images se coulent dans des mots. Car entre les eaux du sommeil et de l'éveil, la pensée est le jouet de l'espace, du temps, et plane l'esprit au-dessus du verbe à venir. Alors la poésie n'est plus qu'un jeu d'enfant. En période d'écriture, nu, je réveille le soleil. À l'aube, les vocables sont des astres stables qui éclairent mes pensées toute la journée. Sinon, ils sont des nuages qui se boursouflent et lâchent leurs idées acides dans ma tête, gèlent et blanchissent l'encre de mon stylo. Entre chien et loup, je continue de me lire. Les mots sont autant d'étoiles dans ma nuit, ou alors autant de nuits dans ma journée. Très tôt, je lève une armée de mots à la main. Tard, je les couche en bits sur cahier à pixels. Et de l'encre sur papier au pica sur écran, je ne travaille qu'à recycler le vocabulaire. Poétiser, c'est graver en braille ses lumières, faire clignoter les yeux noirs de ses visions dans l'incandescence d'un monde aveugle. Les chiffres sont reflets, les lettres réflexions. Derrière les chiffres qui leur donnent naissance, les choses s'estompent, les hommes s'effacent. Sur les panneaux et les encarts publicitaires, sur les écrans cathodiques du monde entier, les lettres ne sont plus que géantes images. Les images font des humains de viles choses. De plus en plus, les images mangent les mots. Dans la balance, en argent, pesant l'économie, les mots ne pèsent pas plus que des plumes. Et le vol des oiseaux ne sera plus que virtuel. Bientôt, on verra plus d'oiseaux sur nos écrans que sur les branches des arbres centenaires qui volent en éclats avec 1000 livres dedans. La superficie de ce monde pullule d'artifices. L'extase, la santé, le look s'achètent en pilule. Sur la cybertoile, vie et mort se vendent vite. Les sacrifiés sur l'autel du libéralisme global écopent du choc entre culture et commerce. Et la connectivité de tous les êtres humains est l'enjeu du marché mondial de la liberté. Si un mot est un David avec son seul caillou, 3 milliards de David lancés à la fronde font une montagne garochée sur Goliath. Thank you. réveiller le rêve pour rêver meilleure réalité. J'écris pour m'affranchir avec mon peuple de joug ancestral qu'on appelle le Canada. Quand j'y pense, je cauchemarde d'en en mourir. Mais pourquoi mon peuple perd-il la voix quand vient le temps de chanter son nom? Dans le dortoir de l'histoire, je rêve d'un pays libre où même les roses auraient perdu souvenance de leurs épines. Je rêve d'un peuple fier de se tenir debout et qui a une mémoire vive de son histoire. Pour pouvoir réaliser son rêve, son avenir, un rêve se lève du plus profond de moi et mes ancêtres s'y lèvent, marchent vers moi et rentrent dans l'histoire libérée du passé. La voix des ancêtres, voix d'un peuple fier, essoufflé de cette terre, s'élève jusqu'au ciel, car le temps de la récolte est enfin venu. Le pays de mes amours se lève et marche. Et marche vers la plénitude de sa souveraineté rêvée. Et j'écris pour que l'histoire de mon peuple passe à l'histoire, pour que le monde entier sache que le Québec doit être un pays libre et non une province parmi les provinces. La réalité, c'est du pain. Le rêve, du beurre. La terre entière est un gros citron pressé. La vitesse folle est le cancer du millénaire. La raison est toujours le condom du rêve. Et les rêves du monde sont en vente libre. Dans des beaux grands sacs de vent rose. Pour ceux qui n'ont que miettes de pain, le beurre, c'est de gagner très gros à la loto. Ceux qui n'ont pas de beurre sur leur pain rêvent toujours à l'éternité. Et des peuples vendent encore leur liberté contre du pain. Tout écrivain doit être un rêveur éveillé et doit écrire pour une humanité meilleure, porter son rêve et celui de tout son peuple. Le poète est un rêveur dont le rêve réveille. J'ai toujours gagné ma vie comme rêveur et je rêve qu'il y ait du pain et de l'amour chaque jour. Pour toutes et tous sur Terre. J'ai toujours peur de manquer de beurre. Je veux faire de l'argent comme du beurre, vendre mes poèmes comme des petits pains. Quelle chimère! J'ai du pain sur la planche. Et si je pétris mes mots des nuits blanches, c'est pour faire lever un bon pain d'amour. Sans littérature vivante, pas de démocratie. Car tout écrivain original est le continuateur d'une tradition qui n'est pas encore née. Ni miroir, ni reflet de ce monde ambigu, sa fonction sociale, c'est de faire réfléchir. Il se cache dans les coulisses de l'histoire, se faufile dans la foule éblouie par le jeu, braquant le projecteur de sa conscience pure sur les enjeux politiques de leur silence. Mais si ses écrits évacuent son peuple, quoi, et se cadenasse nu dans sa sombre chambre, pour inventer des histoires abracadabrantes et remuer les cendres de ses vies antérieures. Un compas et une équerre dans son verbe, il arpente l'espace qui sépare son langage de celui des visionnaires parlant aux étoiles et voulant échanger ici-bas contre là-haut. Il prétend cuisiner des substantiels strudels, mais ses mots, gonflés à bloc de vitamines, ne font lever que le vent d'un pain western. Sans littérature imputable, une nation saine ne peut évaluer les richesses de sa culture. Sans la souveraineté de sa langue, un peuple ne peut évoluer vers la clarté de son identité. Écrire, c'est devenir unanimement anonyme. Depuis des siècles et des siècles, les poètes des vierges des forêts de pages blanches, et nul jamais n'a pu percer l'hymen des choses. Nul jamais n'a fait péter la cerise des mots pour y siroter l'essence rose de l'existence. Tout instant où le réel ne livre pas son rêve m'apparaît toujours comme trois éternités. Pendant que je tente d'encercler l'ineffable, Tous les atomes de mon corps sont à tonnes, et pendant que je fais l'amour avec les mots, la tyrannie de leur mutisme me baise à l'os. La poésie est une montre religieuse et incube, une amante qui m'orgasme puis me muselle. Et chaque fois que je la baise, elle me dévore, mais en même temps, elle m'insuffle l'esprit. La poésie mange chaque lettre de mon nom. Des générations entières poussent ma plume. Les mondes d'hier, d'aujourd'hui, de demain tournent en rond autour et dedans ma tête. Je glisse dans le vortex de leurs voix aiguës. Boa constrictor, brisant ma colonne verbale, la poésie m'embrasse, me broie tous les os. Et je contemple la poussière de mes mots. Éclair dans la nuit et fleur dans le désert. Le poète n'a que faire des modes du jour, et si ses incantations sont en mode mineur, c'est qu'avant de faire fleurir ses espérances, il lui faut souvent arracher de son cerveau le chien dent d'une souffrance transhistorique, misère millénaire qui ne lui appartient pas, mais qu'il partage pourtant avec tout le monde. Chaque fois qu'il entrera en contact charnel, avec la futilité ou bien la vanité des choses, monument de vin, ses écritures passeront, laissant en lui quelques traces qui s'effacera. Quand viendra le temps d'écrire autre chose, c'est la même chose, autrement. Pour un pas dans les prairies de la félicité, mille et un autre dans le désert du silence. Il y a 40 ans, que je branche des mots électriques à haut voltage continu pour se disjoncter les despotes lobotomiseurs, dont les mots sont des chiffres matraqueurs. Il y a déjà une éternité que j'allume des mots magnétiques à vif courant alternatif pour que l'esprit et la lettre copulent encore. Ouvrirai-je en vain les veines de mon verre? Écrire, c'est armer les mots jusqu'aux dents. Dans un monde où liberté, vie et démocratie sont des mots traînés dans le sang et la boue, par les junkies de la finance, du fisc, de l'azléa, par les fadas de la publicité, les polices à gaz, les chrétiens vendant notre eau bénite aux USA. Pourquoi, pour qui et comment faut-il écrire? Quand on ne peut décrypter le code d'entrée pour inoculer un virus d'humanité mondiale dans le cerveau artificiel des grands pilleurs qui profanent tout ce qu'il nous reste de sacré. Pourquoi écrire si les mots sont de l'opium, fumé par les peuples allongés dans le dortoir, aménagés sur des écrans par des marchands? Comment commettre crime de lèse-majesté contre l'ordre universel, le moule conforme, le clonage des mentalités sur toute la Terre? Et comment couler du sérum dans ces mots pour l'injecter dans les veines d'un peuple qui laisse mourir d'anémie sa souveraineté? Pourquoi écrire quand on avale sa langue et que le français parlé en 26 pays ne sera bientôt qu'un dialecte folklorique? J'écris pour que mon cri refasse le Big Bang. Mais le marché des mots est en hyperinflation. Pour que la Babel des nations tombe par terre, que les cultures de l'humanité soient uniques, j'aimerais écrire et parler toutes les langues qui s'écrivent et se parlent sur cette planète. La mainmise sur les traductions simultanées sera le gros lot des internautes chevronnés. Le prix des mots sur la trame de l'hypertoile se mesure à la hausse des promesses d'achat. Plus les profits sont nets, plus ils sont sales. Plus les mots se chattent, moins il en coûte. Mais il arrive que dans une diarrhée de mots, dire et ne rien dire soit absolument pareil. Et parfois, un plein silence, un seul mot juste, prend le pouvoir d'exprimer relativement au courriel vite et froid, je préfère le téléphone. J'aimerais savoir toucher le cœur de tout le monde avec des mots ordinaires, des mots populaires, sans qu'un gros dictionnaire soit nécessaire pour comprendre et partager mes pensées. J'écris des mots qui ne valent pas trop cher, des mots de locataire gagnant petit salaire, avec l'illusion d'en être le seul propriétaire, car je suis solidaire des écrivains solitaires. Écrire n'est pas plus important que manger. Un livre est une nourriture pour les neurones, et certains aimeraient dire dans ma bouche ce qu'ils voudraient ouïr dans leurs oreilles. Certains vont jusqu'à dire que tout a été dit, qu'il est plus simple et plus sage de se taire. Et d'autres aimeraient écrire avec ma plume ce qu'ils voudraient clamer au monde entier. Pour maintenir leur dictature, d'autres encore voudraient incendier toutes les bibliothèques dont les livres ne portent pas la griffe acérée de leur oligarchie ségrégationniste et fasciste. Et pensant qu'à trop penser, l'esprit s'éteint, qu'un arbre est bien plus rentable qu'un livre, et qu'avant de sauver les écrits de ce monde, il vaut mieux sauver les forêts et les rivières. D'autres allument leur foyer avec des mots. Mais pour que le monde connaisse leur idée, ils l'ont écrite sur du papier jaune recyclé. Ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on écrit, n'est vraiment pas plus ni moins important que ce qu'on n'a jamais entendu, lu ou écrit. Certains pensent qu'écrire, c'est ne rien faire. Je dis que l'écriture est mon acte suprême. Cette émission est une réalisation de Benoît Leblanc, assisté à la technique de Serge Poirier.